Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le parcours d'un jeune japonais, soldat de l'armée rouge, combattant pour la cause palestinienne, Kozo Okamoto, l'un des auteurs du massacre de Lod, en Israël. En 1972, trois terroristes japonais tirent sans distinction sur une foule de voyageurs tout juste arrivés à l'aéroport de Lod, à Tel Aviv. L'attentat fait 26 morts et plus de 80 blessés. C'est un carnage, le retentissement médiatique est planétaire. Des trois terroristes, il n'en reste qu'un, Kozo Okamoto. En une nuit, cet étudiant de 24 ans est devenu une figure légendaire de l'armée rouge japonaise et un héros pour le Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, l'une des tendances les plus radicales du mouvement palestinien des années 70. Ce soir-là, il y a beaucoup de sang, un seul terroriste en vie et une myriade de questions. Pourquoi un étudiant japonais, sans histoire, s'engage-t-il éperdument pour une cause si lointaine, la libération de la Palestine? Comment est-il arrivé jusqu'ici? Qui l'a recruté? Et pourquoi les services de sécurité israéliens ont-ils à ce point failli? Notre invité aujourd'hui est Jean-Pierre Filiu, professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain, Sciences Po et spécialiste des affaires de terrorisme. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Victoire Faure, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Les trois hommes semblent être arrivés à l'aéroport de Tel Aviv par un vol Air France. Ils attendaient dans l'enceinte de l'aéroport, là où on récupère les bagages. Quand leurs valises sont arrivées, ils y ont pris des armes automatiques et aussi des grenades. Et ils ont ouvert le feu sans distinction. Cette soirée du 30 mai 1972 va sidérer Israël. Pour le pays, c'est même le scénario du pire. Une fusillade meurtrière dans un aéroport, l'un des lieux les plus sécurisés du territoire. Normalement. Le massacre de Lod est aussi l'un des tout premiers attentats suicides au Moyen-Orient. À l'époque, la méthode est inédite. Recruter à l'international des jeunes prêts à mourir pour ce qu'ils appellent la révolution mondiale, comme Kozo Okamoto. Mais pourquoi lui, précisément? Lui qui n'a pas de passé d'activiste politique. Et pourquoi, malgré tout, est-il passé entre les mailles des filets du Mossad? Il faut dire qu'il n'a pas le CV de l'emploi, ni la gueule. Kozo Okamoto est un être ambigu, peu bavard, chétif, pas franchement charismatique. Son credo, l'émancipation des peuples, à la sauce marxiste. Lors des interrogatoires, il répète comme un mantra qu'il est le soldat de la libération, engagé contre l'impérialisme, contre l'oppression et le capitalisme, un soldat prêt à mourir, également. Croit-il sincèrement au grand soir mondial? Où est-il été embrigadé pour défendre les intérêts des autres? Kozo Okamoto marionnette? Fou? En tout cas, il est imprégné de l'esprit du mai 68 japonais qui déferle sur les universités nippones. Un militant rouge, entraîné très peu de temps avant l'attaque au combat et aux armes par le Ionseki-gun, l'armée rouge japonaise. Lors de son procès, la justice israélienne a du mal à trancher. Et Kozo Okamoto devient vite le détenu le plus célèbre d'Israël. Condamné à perpétuité, il va rester enfermé 13 ans. Sans dire un mot, ou presque. Et ce bagnard est précieux. Alors, après de longues années d'enfermement, il est échangé contre la libération de soldats israéliens détenus au Liban. Et il finira par obtenir l'asile politique au pays du Cèdre. « Mardi 30 mai 1972. L'ambiance est calme à l'aéroport international de Tel Aviv. À 22 heures passées, les vols sont moins nombreux, les voyageurs moins bavards. Dehors, il fait nuit noire. Le tapis roulant à la cadence monotone déverse une à une les valises des passagers. Dans ce hall, les voyageurs arrivent de Rome par le vol d'Air France numéro 132, AF-132, lit-on sur les billets. La grande majorité des gens sont des pèlerins venus fouler la Terre Sainte. Israël, le mur des Lamentations, l'esplanade des mosquées, le Saint-Sépulcre et le mont des Oliviers. Le voyage de toute une vie quand on a la foi, ou pas. Trois jeunes hommes japonais sont là également. Avec leurs costumes sombres, ils ont l'air bien sages. D'ailleurs, ils attendent silencieusement leurs valises. Rien d'anormal dans un aéroport. Les trois hommes endimanchés ont embarqué des violons dans l'avion. Des musiciens? Sur le tapis roulant, ils reconnaissent discrètement leurs affaires, s'approchent de leurs étuis à instruments et en retirent fusils, mitrailleurs et grenades. Les trois hommes ouvrent le feu indistinctement sur la foule. Le sifflement des balles recouvre le cliquetis du tapis. Avalanche de détonations, les services de sécurité de l'aéroport ouvrent également le feu. Les échanges sont nourris. Ce soir-là, une jeune femme venait chercher une amie à l'aéroport. Elle s'appelle Ross Sloboda. Elle est anglaise. Elle témoigne pour la BBC. I heard a banging sound. J'ai entendu un bruit très puissant. On s'est tous regardés en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Et tout à coup, les immenses baies vitrées de l'aéroport se sont brisées, écroulées en cascade. Je me souviens même de m'être dit « Tiens, mais on dirait de la pluie. » Et puis les gens ont commencé à tomber au sol. Et là, il y avait du sang de partout. Mais les Japonais tirent encore, déterminés, méthodiques. L'un d'eux s'effondre, tué par une balle de son propre camp. Un de moins. Le temps presse. Bientôt, les services d'ordre israéliens interviendront. Bientôt, toute l'attention du pays sera dirigée vers eux. Un deuxième tireur dégoupille sa grenade et disparaît dans l'explosion. Deux de moins. Les trois assaillants n'ont aucune chance de s'enfuir. Mieux vaut mourir. Reste un jeune homme, Kozo Okamoto, 24 ans. Il doit maintenant se mutiler le visage pour rendre plus difficile son identification. Mais il est blessé. Un agent d'entretien arrive à le neutraliser, cloué au sol. Peu à peu, les détonations font place au silence, ponctué des gémissements des blessés. C'est un bain de sang, c'est un acte de guerre. Oui, le pire est arrivé, une horreur, beaucoup de morts. 26 personnes au total, des Portoricains majoritairement, des Israéliens, une Canadienne. Un hôpital de fortune est installé sur place, dans l'aérogare, pour les premiers soins blessés. Deux officiels viennent, très vite, constater le massacre. Il y a là le ministre de la Défense et celui des Transports, un certain Shimon Peres. L'unique survivant du commando a volontairement arraché la photo d'identité de son passeport, peu de temps avant de faire feu. Sur lui, il garde un livre, Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Entre les lignes, des poèmes qui servent de note manuscrite à Kozo Okamoto. Des références tout azimut, un méli-mélo lyrique à la gloire de Mao Tse-tung et de Kim Il-sung, les dirigeants chinois et nord-coréens. Il est 22h30 à l'aéroport de Lod, ensanglanté. Kozo Okamoto est arrêté. Le soir même, la première ministre israélienne Golda Meir affirme tenir des informations selon lesquelles les pays arabes sont responsables du massacre. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment n'avoir pas vu un attentat dans l'un des lieux les plus sécurisés du pays? Un attentat contre qui d'ailleurs? Je suis un soldat de la révolution, répondra Kozo, laconique. Les trois terroristes ont voyagé, traversé l'Europe avec des armes, sans lever le moindre soupçon. Le Japon est loin, trop loin. Les renseignements, on les eut ailleurs. Kozo Okamoto grandit dans une petite ville nippone à l'extrême sud de l'archipel. Dans la fratrie, ils sont six. Mais l'aîné fait de l'ombre à tous les autres. L'aîné, c'est Takeshi, l'élève brillant, le premier à quitter le cocon familial pour la prestigieuse université de Kyoto. Takeshi est sa tête bien faite qui théorise et politise. Le jeune étudiant devient très vite une tête pensante du Nihon Sekigun, l'armée rouge japonaise, un groupe armé révolutionnaire né sur les ruines du mouvement estudiantin de 1968. Takeshi parle de son militantisme à son petit frère. Après tout, quand il était lycéen, Kozo parlait souvent de son envie d'effectuer son service militaire. L'activisme pourrait peut-être l'intéresser. Les choses vont vite, le recrutement est express. Kozo Okamoto poursuit alors des études d'agronomie et son frère aîné lui fait rencontrer une jeune femme à la beauté envoûtante. On la surnomme Tati. Kozo Okamoto vient de souffler ses 20 bougies quand il la rencontre. Et la voilà qui explique son ambition. Dans un film de propagande de l'armée rouge japonaise en 1971, un an avant l'attentat de Lod. La seule solution, c'est la violence. C'est la lutte armée menée par différentes factions politiques qui travaillent ensemble pour mener des actions militaires et élever les luttes en guerre mondiale, en guerre globale. Il faut des groupes qui œuvrent de manière simultanée dans le monde entier. Une seule action collective, un seul front. Je prédis l'émergence de cette nouvelle stratégie pour arriver à la révolution mondiale qui met un terme à l'impérialisme dans le monde. Une action de concert entre tous, des Black Panthers à la guérilla en Uruguay. Il n'y a que comme ça qu'on peut envisager un parti international qui vivra grâce à des actions concrètes, des actions réelles. Fusako Segenobu, c'est le nom d'état civil de Tati, est une figure majeure de la contestation étudiante au Japon. Ses objectifs sont clairs, renverser le gouvernement ainsi que la monarchie et commencer la révolution mondiale. Grâce à son groupe d'une quarantaine d'étudiants, elle voit grand, elle décide d'internationaliser son mouvement. Le projet est donc d'exporter la révolution, de trouver partout des alliés, des partenaires pour des actions d'envergure. Tati souhaite unifier toutes les luttes, toutes les guérillas autour d'une même ambition, la révolution mondiale. Le FPLP pourrait être un partenaire idéal. Pour Segenobu, le combat des Palestiniens résistant à l'oppression israélienne est l'expression même du combat contre l'impérialisme, une sorte de quintessence même. Donc, direction le Proche-Orient. Pour effondrer le château de cartes, il faut commencer par là. L'activiste rêve d'une action d'envergure dont le monde entier se souviendrait. Elle cherche à médiatiser la lutte. Alors en coulisses, elle constitue une équipe. Dans le genre, Kozo Okamoto est un must. Le soldat parfait, jeune, discret, inconnu de la police. Docile, à voir. Mais Kozo Okamoto semble motivé, impatient de marcher dans les pas de son grand frère qu'il admire tant. Kozo n'a aucun passé d'activiste connu. Il n'a jamais milité. Pour le Japon, c'est un anonyme. Le jeune étudiant rencontre ses frères d'armes de l'université de Kyoto, Takashi Okudaira et Yasuyuki Yasuda, eux aussi recrutés par Tati. C'est au Liban que ces petits soldats devront s'entraîner. Plan de voyage et liasse de billets en main, il faut partir. L'armée rouge japonaise s'occupe de tout. Shinedobu, la reine rouge, est à la manœuvre, bien sûr. Dans l'émission Rendez-vous avec X sur France Inter, Monsieur X décortiquait l'ambition et la stratégie de la communiste. La jeune femme a compris que l'action sur le sol japonais était vouée à l'échec. Mais pourquoi ? Parce que l'armée rouge n'était pas assurée de bénéficier d'un véritable soutien populaire. Par conséquent, la jeune femme pense qu'il lui faut trouver des partenaires à l'étranger. Partenaires pour mener des actions armées d'envergure. Et presque naturellement, elle envisage de rejoindre l'un des points chauds du globe, le Proche-Orient, et plus particulièrement le Liban. Si je vous ai bien compris, elle est très bien accueillie par les Palestiniens. Elle et les siens, oui, car elle n'est pas venue seule. Mais si elle est aussi bien acceptée, c'est qu'elle apporte une sorte de rage de se battre, propre aux membres de l'armée rouge. Une rage qui va jusqu'au suicide. Ça, c'est la tradition des kamikazes. C'est ça, une notion complètement nouvelle pour les Palestiniens. Et en ce sens, on peut considérer que Segenobu est malheureusement la pionnière des missions suicides dans les actes de terrorisme. Segenobu organise donc une mission sans retour pour Kozo Okamoto. L'issue, c'est la mort. l'organisation du massacre de Lod, est marquée aussi par une idée forte, tout doit aller très vite. Le 29 février 1972, Kozo atterrit à Montréal pour brouiller les pistes. Il loge à l'hôtel quelques jours, puis ce sera à New York, Paris et enfin Beyrouth. Aucune police, aucun service secret n'est alerté, tout roule. Là-bas, au Liban, Kozo se retrouve dans la région de Baalbek, à la frontière avec la Syrie. Le jeune étudiant va pouvoir s'entraîner. Le FPLP a ouvert, depuis le début des années 70, des camps d'entraînement où s'exercent des groupes armés venus du monde entier. L'un de ces camps, donc, est à Baalbek, sanctuaire pour une quantité de groupes armés en provenance du monde entier. Des Arméniens, des Sud-Africains, des Palestiniens y viennent s'y exercer. Et maintenant, des Japonais. Chaque jour, Kozo se rend avec ses deux frères d'armes à des exercices d'entraînement enseignés par le FPLP de George Habash, l'ennemi juré d'Israël dans la décennie des années 70. George Habash partage avec Shigenobu la folie des grandeurs. Le FPLP, comme l'armée rouge japonaise, travaille à des opérations spectaculaires, comme des détournements d'avions qui tournent en boucle sur les écrans de télé, de Milan à Kinshasa, un terrorisme publicitaire. Parce que l'idée n'est pas de détruire l'adversaire, mais de mettre en lumière un groupe et de rallier le plus de membres à sa cause. En quelques semaines, au Liban, Kozo Okamoto apprend à utiliser des mitrailleuses légères et des grenades à main. Kozo est prêt. Mais prêt à quoi? Il ne le sait pas. Okamoto n'est pas dans la logistique. Il attend patiemment qu'on lui donne une mission. Le plan lui est révélé au dernier moment. Il l'accepte comme tout bon soldat. Nous sommes à la fin mai 72. Le massacre de Lod est imminent. Mais prendre un chemin direct pour Israël serait trop dangereux. Alors le commando joue aux touristes. Avant Tel Aviv, les trois étudiants japonais font escale à Rome. Ils photographient le Colisée, sa table longuement en trattoria. La police et les douanes peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Mais l'attentat de Lod et ses 26 morts vont les réveiller avec fracas. Yeah. Fabrice Drouel. Juillet 1972, un peu plus d'un mois après l'attentat de Lod, le monde découvre le visage du survivant, ce jeune kamikaze raté qui fait les choux gras de toute la presse. Pour le Japon, c'est un déshonneur national. Depuis le 30 mai, jour de l'attentat de Lod, les officiels nippons se succèdent, à la télé, à la radio, présentant inlassablement leurs excuses au peuple israélien et leurs condoléances teintées de honte et d'amertume aux États-Unis. La majorité des victimes étaient portoricaines. L'issue du procès pourrait laver l'honneur du pays. Tokyo a les yeux rivés sur Tel Aviv. Ce 11 juillet 1972, Kozo Okamoto, chemisier aux couleurs pastel, se présente au tribunal militaire de Tel Aviv, menotté, encadré par deux policiers. Sur un côté de la salle d'audience, une estrade de fortune accueille une foule de journalistes entassés les uns sur les autres. Caméras, micros et spots lumineux, tout le barnum des grands procès. Le terroriste n'est pas expressif. Le regard presque abattu. La moue de l'ennui se lit sur son visage. Il fait la sourde oreille, refusant dans un premier temps de suivre au casque la traduction simultanée de son procès. Du reste, Okamoto se fiche du verdict. Pour lui, la tâche est accomplie. Loyal, jusqu'au bout. Et le monde entier connaît son nom désormais. Pendant les longs interrogatoires précédant son procès, Kozo reste quasi mutique, répondant aux questions par une seule, unique réponse. « Je veux mourir. » Puis il reconnaît les faits. « Je ne sais pas combien de personnes j'ai tuées. » France Inter suit le procès. Il est 7h. Enfin, un procès s'ouvre aujourd'hui à Tel Aviv, celui de Kozo Okamoto, le seul terroriste de l'attentat de Lod qui ait survécu. Paradoxalement, et bien que son client s'entête à affirmer sa culpabilité et à réclamer la peine de mort, l'avocat de Kozo Okamoto plaidera non coupable. S'il ne le faisait pas, le tribunal militaire rendrait son verdict immédiatement, ce qui empêcherait l'audition des 13 témoins prévus par la défense. Mais visiblement, l'avocat de Kozo Okamoto ne se fait guère d'illusions. Kozo Okamoto veut mourir. Il avoue tout en bloc, sans sourciller. Il a tiré sur la foule, oui. Et le nombre de victimes n'a aucune importance, dit-il. Non, l'important pour lui, c'est d'en finir. Parce qu'un kamikaze en vie, ça n'a pas de sens. Il a même la bénédiction paternelle. Le père de Kozo, repenti, écrit en effet une lettre à destination d'Israël, adressée directement au Premier ministre. Il demande à ce que Kozo soit condamné à mort. « Je vous en prie, condamnez sans délai mon fils à la peine capitale. » Le FPLP, lui, se réjouit. Le massacre de Lod est un sans-faute pour le mouvement, déclare l'un de ses dirigeants, Abdelrahim Mala, dont l'interview est diffusée dans le documentaire « Une histoire du terrorisme » en 2012. L'opération se déroulait dans l'aéroport, symbole de l'occupation. Peu de gens peuvent distinguer un Israélien d'un Français, d'un Latin ou d'un Européen. Mais ce n'est pas cela qui était visé. Ce qui était visé, c'était le symbole que représente l'aéroport. C'est vrai que ces trois Japonais se sont sacrifiés. Et que deux d'entre eux sont morts. L'idée principale qui sous-tendait tout cela, c'était que pour mettre fin à l'occupation, il y a un prix à payer. Et voilà le prix qu'ils ont payé pour nous. En juillet 1972, à Tel Aviv, le procès se poursuit dans une atmosphère électrique. 13 témoins sont entendus. L'enquête a porté ses fruits. Kozo Okamoto ne devrait pas être à la barre. L'attaque de l'aéroport de Lod devait se terminer pour lui par sa défiguration complète et sa mort. Pour ne pas être identifié? Non. Surtout pour laisser entièrement le crédit de l'opération au Front populaire de libération de la Palestine, affirme le procureur militaire. Israël ne sait que faire de ce coupable. Lui donner la mort, ne serait-ce pas lui donner raison, en faire un martyr, un héros? En plein procès, une grenade explose dans les toilettes de la gare routière de Tel Aviv. Il y a une dizaine de blessés. De quoi ajouter la peur à la confusion. L'armée rouge et le FPLP préparent-ils d'autres attaques? Lourde responsabilité pour le procureur. Car la décision du tribunal militaire de Tel Aviv aura des conséquences bien au-delà des frontières d'Israël. Désormais, dans les camps palestiniens de Beyrouth, Kozo est l'idole des jeunes. Et en Libye, Kadhafi invite à suivre l'exemple du japonais. Et puis on apprend que les interrogatoires ne se sont pas tout à fait déroulés dans les règles, comme l'explique André Shimama. Voilà presque 20 ans que ce correspondant de Radio France et du quotidien Le Monde est à Jérusalem. Un procès comme ça, du jamais vu, témoigne-t-il. Les querelles de procédure s'accumulent dès l'ouverture du procès. Les avocats de Kozo Okamoto voudraient qu'ils gardent le silence. Raté. Que l'on prouve alors que l'accusé est bien majeur avant de considérer la peine capitale. Encore raté. Kozo Okamoto donne sa date de naissance au juge. C'est un homme de 24 ans. La défense cherche à tout prix à gagner du temps. Elle réclame alors un examen psychiatrique de l'accusé. Quand on apprend que les confessions de Kozo Okamoto ont été recueillies grâce à une offre alléchante, un deal. 11 juillet 1972, il est 13h sur France Inter, l'heure d'Interactualité. Le général Zeevi, commandant la région militaire du centre, dont dépend l'aéroport de Lod, l'a confirmé ce matin devant la cour. Il a bien promis à Kozo Okamoto de lui donner un revolver pour se suicider en échange d'une confession complète. L'officier supérieur est tellement convaincu de n'avoir rien fait de répréhensible que l'accord qu'il a conclu avec Okamoto a fait l'objet d'un document dûment signé par le général et le prisonnier japonais. Après tout, cela arrange tout le monde, non? À quoi sert-il vivant, Okamoto? Israël doit résoudre l'équation. S'il est emprisonné, l'armée rouge continuera les actions pour demander sa libération. Sa présence dans une prison israélienne donnera lieu à des chantages. Mais s'il est exécuté, il prend la figure du martyr. Et c'est ce qu'il souhaite depuis le début d'ailleurs. Le FPLP en a déjà fait un héros. Tel est le dilemme. Le terroriste japonais ne facilite pas le travail de la défense. Il a l'air parfois de s'ennuyer prodigieusement. Et puis, tout à coup, il s'affole, prolixe et incohérent. Les avocats de Kozo Okamoto plaident la schizophrénie. Écoutez-le, disent-ils, il délire. Il faut dire qu'à la barre, les déclarations de Kozo Okamoto sont de plus en plus empoulées. Le discours est plus lyrique que politique. Connaît-il seulement la cause qu'il défend? Puis il passe aux menaces, et ses interventions prennent parfois des allures de tribune politique. Il promet pendant le procès que l'armée rouge tuera quiconque se tiendra du côté de la bourgeoisie. Il admet par ailleurs que c'est bien le FPLP qui a commandité l'attaque conjointement à l'armée rouge. Mais cela aurait pu être n'importe qui. Ce qui compte, c'est l'extension du domaine de la lutte. Sur l'organisation précise de cet attentat, la cour restera sur sa faim. Kozo Okamoto a bien fini par donner formellement l'identité de ses deux compagnons, morts à Lod, mais il ne délivrera aucune information sur leur passé. Face au tribunal, il déclame sa profession de foi. Il affirme qu'il sera bientôt une étoile de la constellation Orient, en compagnie de ses deux compagnons morts durant le massacre de Lod, ainsi que de toutes les victimes du carnage. Il reconnaît tous les points de l'acte d'accusation. Sûr de lui, il annonce le déclenchement de la révolution prolétarienne totalitaire qui tuera dans le monde tous les bourgeois, et cela grâce au transport moderne, affirme-t-il à la barre. Devenir une étoile de la constellation d'Orient, et la contestation aussi d'ailleurs, c'était donc le projet. Le tribunal militaire israélien finit par trancher. Ce sera la vie, l'enfermement, mais la vie condamnée à vivre. Le 17 juillet 1972, le verdict tombe. Kozo Okamoto, 24 ans, écope de la perpétuité, car la peine de mort, c'est se rabaisser, affirme le procureur. Sa conviction, c'est que Okamoto est une marionnette trop crédule. On s'est servi de lui. En termes très sobres, le procureur a déclaré qu'il ne demandait pas la peine de mort. Okamoto, dit-il, a été l'instrument aveugle d'une organisation qui, en se prétendant de libération, n'a réussi en fait qu'à libérer les sentiments et les instincts les plus bestiaux de l'homme. Ce n'est pas au Japon, mais au Liban, dans un camp d'entraînement du FPLP à Baalbek, que ce jeune Japonais est entré à l'école du crime et de l'horreur. À Lod, a ajouté le procureur, Il a sauvagement assassiné des gens qui étaient aussi étrangers que lui au conflit israélo-arabe. Nous nous rabaisserions en lui infligeant la peine de mort. En prison, Kozo passe ses journées face à un mur, sombrant peu à peu dans la folie. À l'extérieur, les actions de l'armée rouge se poursuivent. Le Nihon Sekigun surfe sur la popularité de Kozo. C'est son moment de gloire. 23 juillet 1973. Un an après l'attaque de Lod, nouveau pied de nez au service de renseignement du monde entier. Okamoto est derrière les barreaux lorsqu'un vol de la Japan Airlines, avec ses 123 passagers et 22 membres d'équipage, est détourné pour demander précisément sa libération. Le groupe armé veut cultiver le mythe Kozo, qui fédère dans les pays du Proche-Orient. Kozo, héros japonais qui veut libérer les Palestiniens de l'impérialisme israélien, le synopsis est attrayant. En prison, le terroriste écrit des lettres, non sans lyrisme. « Avec l'attaque de l'aéroport, j'ai gagné le droit d'être citoyen de tous les pays arabes », écrit-il. Kozo Okamoto se met aussi à l'hébreu. À la recherche de la lumière divine, il lit la Bible avec passion. Puis, au péril de sa vie, il tente de se circoncire lui-même à l'aide d'un coupe-ongle. Et il vieillit en prison. En 1985, après 13 ans de détention, le détenu vaut toujours de l'or. Sans le savoir, il y négocie avec la Libye. Cette année-là, Kozo Okamoto est libéré avec 1150 Palestiniens contre 3 soldats israéliens. C'est l'accord Jibril conclu entre les Palestiniens et le gouvernement israélien le 20 mai 1985. Le Japon est scandalisé et regrette officiellement qu'Israël libère le terroriste japonais. Il a 37 ans, à présent, ses cheveux ont quelque peu blanchi. L'archipel nippon demande son extradition et fait appel à Interpol. Kozo, qui s'est converti à l'islam maintenant, devant les caméras de la télé syrienne, menace encore et toujours de se donner la mort s'il retourne dans son pays. « Je suis un combattant de la résistance arabe. Il en est convaincu, il ne remettra plus les pieds dans son pays natal. » Il est d'abord accueilli par la Libye en homme libre et adulé. C'est auprès de Kadhafi que Fusako Shigenoubou Tati a trouvé refuge avec quelques membres de l'armée rouge. Le jour de sa libération, Shigenoubou vient l'accueillir à Tripoli, mais Kozo Okamoto a le regard hagard et l'esprit ailleurs. Pour Shigenoubou, son soldat a sombré dans la démence. Après la Libye, ce sera le Liban, où il connaît de nouveau la prison. En février 1997, il est arrêté avec d'autres anciens membres de l'armée rouge pour usage de faux passeports et entrée illégale sur le territoire. 3 ans plus tard, c'est de nouveau un homme libre. Et le Liban lui offre le statut de réfugié politique. Pour service rendu, les autorités avancent les tortures physiques et psychiques subies dans les prisons israéliennes. Et le Japon s'offusque. Et pour cause, le Liban et le Japon n'ont jamais signé d'accord d'extradition. Donc là-bas, il est tranquille. Aujourd'hui, il se murmure qu'il habite toujours dans un appartement dans la banlieue de Beyrouth et que lorsqu'il se promène, les réfugiés palestiniens le saluent parfois en ami. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Kozo Okamoto et l'attentat de Lod, dont nous allons parler avec notre invité Jean-Pierre Filliu. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, vous êtes un spécialiste des questions de terrorisme. Alors, il y a un fait assez saisissant quand on raconte cette histoire. Bien sûr, ce ne sont pas les débuts du djihad, parce que le djihad est une guerre sainte. Là, les motivations ne sont pas politico-religieuses, elles sont politico-politiques hein, de la part de l'armée rouge japonaise. Mais enfin, on a l'impression que c'est une méthode qui s'installe, c'est-à-dire que c'est un combat qu'on exporte, qu'on mondialise, et qu'on peut agir en son nom. Est-ce que ce sont les début de cette méthode-là? Ah, tout à fait. Et il est très important, comme vous l'avez d'ailleurs souligné tout au long de cette émission, de rappeler qu'il y a donc une importation au Moyen-Orient d'une technique, qui est la technique de l'attentat suicide, par un groupe qui n'est pas musulman, qui n'est même pas arabe, hein, qui est l'armée rouge japonaise et qui professe un stalinisme ultra-violent et qui va donc acclimater, si j'ose dire, cette technique. Les trois membres du commando de Lod étaient convaincus qu'ils allaient y laisser leur vie. Il est d'ailleurs fort possible qu'au moins l'un d'entre eux ait volontairement fait exploser sa grenade. Et comme vous l'avez dit, c'est bien un terrorisme publicitaire qui cherche la médiatisation, la globalisation. Donc on voit avec ce coup de théâtre, ce carnage de Lod, se mettre en place toute une tragédie fantasmagorique qui marquera une génération plus tard le terrorisme de ce début de siècle. Et le retentissement médiatique de l'attentat de Lod est colossal, évidemment. Le FPLP de Georges Habache revendique la responsabilité de cette action. Il s'en sert comme levier de communication pour son mouvement. On l'a dit, on va écouter une petite archive, hein, très courte. Ce qu'on en disait au journal de 13h de TF1 au lendemain du massacre de Lod, le 31 mai 1972. Nous pouvons ajouter la déclaration du Premier ministre israélien après la réunion extraordinaire du cabinet du gouvernement tenue ce matin à Tel Aviv. Ce qui s'est passé cette nuit était un crime minutieusement planifié avec la seule intention de tuer sans distinction, a dit Mme Meir. Les assassins étaient des criminels qui ont agi au nom d'une prétendue révolution qui n'a d'autre but que le meurtre et qui ont frappé des pèlerins innocents. Réponse du Front de la Palestine qui revendique l'attentat. Cet attentat n'est qu'une étape dans la lutte des Palestiniens contre l'impérialisme. Le FPLP avertit les touristes qu'en se rendant en Israël, ils ne peuvent pas être considérés comme des victimes innocentes. Pour les Palestiniens, le simple choix comme lieu de tourisme de leur territoire occupé est un parti pris en faveur des Israéliens. Jean-Pierre Filliu, pour ce qui concerne à la fois le langage et l'action, est-ce qu'on peut dire que cet attentat marque un tournant dans l'histoire du terrorisme ? Ah, tout à fait, tout à fait. Et donc, l'importation au Moyen-Orient, hein, je me répète, par un groupe qui n'est ni musulman ni arabe, de techniques qui vont effectivement y proliférer. Précisons aussi que donc le Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, est traversé par toute une série de conflits internes et apparemment l'opération a été montée un peu en solo par Wadi Haddad, celui qui est chef des opérations extérieures, qui va progressivement s'émanciper de la tutelle de Georges Habache. Et puis il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension nord-coréenne. Hein. Le frère d'Okamoto, donc Takeshi, avait réalisé un détournement d'avion vers la Corée du Nord et la Corée du Nord était devenue un des principaux parrains militaires et financiers du FPLP. Alors on se demande comment Israël et son Mossad, hein, qui à l'époque était constitué des services secrets extrêmement performants, a pu passer à côté de ce danger-là. D'ailleurs, où en est le conflit israélo-palestinien en 72? Je rappelle que c'est cette année-là aussi qu'il y a eu l'attentat contre les athlètes israéliens au JO de Munich, hein, en août 72. Voilà, quelques semaines plus tard, et il y avait eu juste avant à Tel Aviv un attentat sur un avion de la Sabena qui avait été déjoué avec, dans le commando antiterroriste qui a tué les preneurs d'otages, Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre israélien. Alors comment est-ce que cet attentat a été perçu dans les pays arabes ? Alors, là aussi, on est dans une année où on va aller d'escalade en escalade. Le mouvement palestinien est très divisé. Il a encaissé une défaite historique en septembre 1970 en Jordanie, d'où le groupe Septembre Noir qui lui aussi sème la terreur en parallèle, en concurrence et en surenchère avec le FPLP. Et donc, on a effectivement ce choc. Mais il faut voir que, aussi bien lors de sa libération en 1985, qui est obtenue par un groupe dissident de l'OLP, le FPLP commandement général, et avec là la bénédiction du régime de Kadhafi en Libye et du régime Assad en Syrie, qu'aujourd'hui, au Liban, c'est le Hezbollah qui couvre un peu le Okamoto. Ce sont donc des groupes, des forces qui ne sont pas forcément palestiniennes qui ont servi à ce que le mythe perdure et que l'asile soit accordé au Liban en 2000. D'ailleurs, le Hezbollah roule pour l'Iran. Oui, et puis le Hezbollah trouve dans Okamoto, si j'ose dire, une caution à son propre terrorisme, qu'il qualifie de résistance islamique. C'est là où on voit comment des positionnements politiques, bien plus que des engagements religieux, favorisent ce type d'alliance qui paraîtrait tout à fait contre nature. Bien sûr, et finalement, c'est le FPLP qui instrumentalise l'armée rouge japonaise ou l'inverse? Parce que, effectivement, les deux mouvements... est-ce que les deux mouvements partagent ce grand projet de révolution mondiale marxiste pour le FPLP? Le combat, il est pour les Palestiniens, il n'est pas forcément pour la révolution mondiale, alors que du côté des Japonais et de Okamoto, c'est vraiment la révolution mondiale. Le FPLP de Habash et de plus en plus de Wadi Haddad pense, et il l'a prouvé dans le drame de Septembre Noir en Jordanie, que la déstabilisation des régimes arabes est un premier pas vers la libération de la Palestine. Donc il a une approche révolutionnariste, mais au Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'il accueille dans ses camps d'entraînement des extrémistes, des gauchistes venus du monde entier. Et bon, c'est lui qui va, en trois semaines, c'est vraiment la formation express, donner à Okamoto, donc dans un camp proche de Baalbek, les rudiments qui lui permettront de contribuer au carnage de l'Aude. Jean-Pierre Fulu, on se retrouve dans trois minutes. Ne quittez pas, surtout, on écoute Gorillaz, Strange Times. No. Pierre Filiu, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée et qui est intéressante. Je voudrais en savoir plus là-dessus. Vous dites le terrorisme palestinien ou a vocation à soutenir la cause palestinienne passe ou passer par la déstabilisation des pays arabes. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette idée-là? C'était Georges Habash qui avait lancé, donc en 1970, pendant ce qu'on appelle le Septembre noir jordanien, il avait dit la route de Jérusalem passe par Amman. Après, les mêmes diront la route de Jérusalem passe par Beyrouth, ce qui veut dire qu'ils déstabilisent en fait le pays hôte, le pays d'accueil, pour provoquer une situation de conflit avec Israël qui est censé à la fois hâter, vous voyez, l'ambition, j'ose même qualifier cela de délire, à la fois la révolution interne et la guerre de libération en Palestine, en menant cela sur le de front, si j'ose dire. Donc on comprend aussi que le FPLP n'était pas vraiment en odeur de sainteté chez ces régimes, sauf ceux qui avaient intérêt à la déstabilisation des États en question. Donc c'est la Syrie d'Assad, et c'est Assad le père, père de l'actuel dictateur Bachar, et évidemment la Libye de Kadhafi, dont vous avez rappelé que c'est elle qui avait accueilli Kozo Okamoto à sa libération en 1985, deux régimes qui sont profondément hostiles à l'OLP d'Yasser Arafat et qui vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour saboter, déstabiliser l'OLP, notamment lançant une dissidence contre le chef de l'OLP. Et c'est un groupe dissident qui, en 1985, réalise cet échange de 3 prisonniers israéliens contre 1150 détenus dans les prisons israéliennes. C'est donc un échange qui est aussi porté contre Arafat et présenté comme une victoire de la véritable révolution palestinienne contre les traîtres, entre guillemets, qui seraient à la tête de l'OLP. Et puisque vous parliez de déstabilisation des pays arabes, c'est vrai que Septembre noir en 70 a été un morceau de choix, puisque c'était un tournant très important. Les conséquences ont été multiples sur le Proche-Orient. Alors, quelles seront les relations? La crise en septembre 1970 commence par le détournement de 3 avions de ligne par le FPLP sur un aéroport jordanien. Donc on voit comment peu à peu se met en place toute cette dramaturgie du terrorisme publicitaire. Et 2 ans après, effectivement, pour les JO de Munich, le commando s'appelle Septembre Noir, en référence à ce qui s'est passé 2 ans avant en Jordanie. Quelles seront, après, les relations entre le FPLP et l'armée rouge japonaise, je veux dire, après l'attentat de Lod? Est-ce que c'est un partenariat solide? Le partenariat est d'autant moins solide que l'armée rouge japonaise se décompose littéralement au Japon. Elle est aspirée dans un cycle de règlement de compte interne, de procès staliniens, qui font qu'une grande partie du groupe est éliminée par une autre partie du groupe, et en attendant que les survivants soient cueillis et neutralisés par la police japonaise. Donc en fait, après Lod, on continue d'invoquer ces liens, cette fraternité d'armes, mais la réalité, c'est que l'armée rouge japonaise s'est désintégrée. Alors, les collusions entre des motivations politico-politiques et politico-religieuses sont connues hein, pour ce qui concerne la question palestinienne. Je pense notamment au camp d'entraînement en RDA, quand la RDA existait. Là, il n'y avait pas de motivation religieuse, c'était vraiment une dialectique politique. Hein, vos ennemis sont aussi nos ennemis. Tout à fait. Puis c'était il y avait une division socialiste du travail dans le camp soviétique où c'était la Stasi, donc le service est-allemand, qui était chargé un peu de ces opérations extérieures pour protéger le KGB, hein, les services soviétiques, d'une implication directe qui aurait pu être compromettante. Kozo Okamoto est-il toujours un mythe aujourd'hui ? Alors à la fois pour les Palestiniens, à la fois pour ceux qui rêvent du grand soir marxiste, et peut-être encore au Japon comme ailleurs, est-ce qu'il est une figure tutélaire ? Tutélaire sûrement pas. Hein, pour les terroristes et apprentis terroristes, je veux dire. Hein, pas pour les oui, autres. Mais aujourd'hui, donc c'est moins du côté des Palestiniens qu'il faut regarder hein, une forme d'entretien, d'un culte de la personnalité d'Okamoto que du côté du Hezbollah. Hein, et c'est un journaliste d'un organe de presse à l'Arbar très proche du Hezbollah, qui a donné, si j'ose dire, les derniers signes de vie en postant l'an dernier une photo très élogieuse d'Okamoto en parlant de la belle époque hein, que celui-ci avait vécue lors du massacre de Lod. Donc c'est plutôt de ce côté-là, mais voilà, beaucoup de temps a passé et on ne peut pas dire qu'il soit aujourd'hui une figure tutélaire. En tout cas, une figure très connue, sauf pour ceux qui ont écouté Affaires Sensibles et qui ne connaissaient pas Okamoto. Merci infiniment, Jean-Pierre Fulieu. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Kozo Okamoto et l'attentat de Lod, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.